La première fois qu'on s'est parlé, je t'ai donné envie de te poser. Qui sait jusqu'où la baraka va nous porter? Au fond, tu sais que je serai la même en HLM ou avenue Foch. Chez nous, quand on réussit, on met bien tous nos proches. Sans amour vrai, à quoi ça sert d'en avoir plein les poches? Dans mon cœur, tout est bancal. Plus rien n'y tient debout à part nous. Dis-moi que nous deux, ce sera la vie en rouge. Pour quelle est la marge de pâlir chaque jour? Si tu étais Ève, moi Adam, on va conquérir le monde nonchalamment. Seul tout comme seul au monde, à nous seuls comme si je m'appelais Salomon. Et toi la reine de Saba, mon amour est clean mais je t'aime salement. Je t'aime seulement comme un prince charmant. T'es ma femme, t'es ma pote, t'es ma taupe. Mon héroïne brune, la balle dans ma plume. Braquage en règle, les cœurs c'est un hold up. Trop de flush dans mes lyrics, normal quand on s'appelle Abdelmanik. Tu rends dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. J't'ai dans la peau, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. Tu me rends dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. J't'ai dans la peau, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. L'amour fou à l'instant, c'est extrait de la bande-son du film d'Abdelmalik qui sortira la semaine prochaine, le 10 décembre. Qu'Allah bénisse la France. Elle est arrivée, c'est une reine normale en retard. Salut. T'as vu comment le typique d'entrée de jeu? Ça va bien, Wallen? Ça va très bien, et toi? Ça fait trop plaisir de te retrouver. Bah écoute, moi aussi, je suis super contente d'être là. Bah moi aussi, ça fait... J'étais émue comme mon premier Planète Rap. Tu te souviens du premier? Ah là là, c'était dur pour toi, je crois. Moi, je m'en souviens. Plus dur pour toi que pour moi. Je me souviens du premier, il était rude, hein. Ouais, c'est pour une compile à l'époque. Ouais. C'était dur de me faire aligner 4 ou 5 mots. 4 ou 5 mots, c'était un peu compliqué, mais il y avait une émotion déjà qui passait en tout cas. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que t'as toujours un rapport très particulier sur l'émotion. D'ailleurs, ça c'est marrant sur les gens qui te suivent, qui sont là, qui sont venus en bas de la radio aussi pour te saluer. Ouais. T'arrives à ressentir tout ça d'ailleurs encore, tout cet amour qu'il y a autour de toi? Bah écoute, ouais, forcément. Il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps. Maintenant, entre aujourd'hui, cette BO et puis le premier album. Il y a bien presque 14 ans là, je crois, qu'ils se sont écoulés. Je sais, tu sais, il y a un moment, faut arrêter. À force de vivre, c'était 2001. Faut arrêter de compter. Ouais, c'est vrai. Il y a un moment, faut arrêter de compter. Donc voilà, depuis À Force de Vivre, il y a des gens qui sont là, qui me suivent. J'en rencontre beaucoup au quotidien, des jeunes filles qui sont elles aussi devenues maman comme moi. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce qui fait que voilà, la musique pour toi, c'est quand même assez, alors même si ça fait partie de ta vie au quotidien, que c'est quand même assez aléatoire pour les sorties? Ouais. Tu sors des projets, écoute, là, c'est ce que nous expliquait d'ailleurs Malik, hein, je crois qu'on va l'avoir en ligne dans un instant. Ouais. Mais hier, il nous expliquait que sur la bande-son, t'as commencé à faire un son. Ouais. Après deux. Trois. Voilà. Et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas faire la bande-son du film? Bah ouais, écoute, depuis 2008, depuis Miséricorde, c'est vrai que j'ai voulu faire une petite pause et puis j'avais surtout envie que la famille s'agrandisse. Ouais, c'est ça aussi. Donc voilà, je me suis concentrée sur la famille. Et puis c'est vrai que quand Malik bossait sur le film, que ce soit sur l'étape du scénario où je relisais un petit peu, voilà, c'est vrai que ça m'inspirait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et ensuite, les premiers rushs, les premières images, ça m'a encore plus inspirée. Et puis voilà, j'ai fait un son, comme tu dis, et puis un deuxième, un troisième. Au début, je devais pas en faire autant, j'avoue. Un petit morceau comme ça? Voilà. Bon, là, on écoutait L'Amour Fou, justement. Ouais, exactement, ouais. Quelque chose d'ailleurs de fort qui vous lie. C'est marrant, votre histoire aussi. Avec Malik, ouais, qui maintenant est dans l'image avec ce premier film. Ouais. Qui fait la bande-son. Il y a un côté familial aussi sur ce film, hein. Ah ouais, toujours. On travaille. Il y a Matteo Falcone, on l'a dit, parmi le cast. Exactement, qui joue dans le film et puis qui rappe aussi sur la BO, sur certains morceaux, sur deux morceaux, je crois, avec moi. Et ouais, c'est sûr, on travaille en famille et puis on s'apprécie professionnellement aussi. On a beaucoup de respect pour le travail qu'on fait les uns et les autres. Et puis voilà, pour la petite histoire, c'est vrai que quand j'ai écouté Malik en studio pour la première fois, c'était en 99, 98 peut-être même, ça m'a tout de suite donné envie d'écrire aussi, voilà, d'avoir ma propre personnalité dans la musique. Et puis voilà quoi, aujourd'hui il y a cette BO qui sort lundi, la BO, hein, avant exactement. Le film, deux jours avant le film. Le film, ouais, c'est le 10 et la BO c'est le 8. Ouais. Bon, Malik est à Lille. Oui, il est à Lille. Ça va, il te manque pas là. Pour une avant-première. Non. Ouais. Non. Il me manque pas trop là. Bon, écoute, ça va. Je te dis ça parce qu'il est en ligne. Ah d'accord. Allô Malik. Merci, il me manque beaucoup. Oui, voilà. Ah bah purée. Excuse-moi alors que tout ça n'est qu'amour de foutre la merde dans le couple. Malik. Oh bah, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Des fois on a l'impression d'être important et on n'est pas si important que ça finalement. Oh, bon, Malik. C'est l'histoire de la vie. Oh. Bon, ça va, comment ça se passe Lille là, ça a commencé ou pas encore? Non, on est encore en train de terminer de manger. Dans une quinzaine de minutes, on y va et voilà. Donc, quinzaine de minutes, l'avant-première du film, d'un moment toujours important. Ouais. Voilà, l'avant-première de ressentir un peu ce que pense le public. Ouais, c'est sûr, mais apparemment, ça se passe bien. Ouais, ça s'est bien passé dans pas mal de villes déjà. Donc, Non, c'est super, il y a un vrai truc. À chaque fois qu'on arrive, il y a les préventes, les trucs et tout, c'est incroyable. Et souvent, ils ouvrent d'autres salles tellement qu'il y a du monde. Et là aussi, ça se présente comme ça. Donc, on est vraiment contents. Bon, et puis on est super content. Alors, pas que tu sois pas avec nous ce soir, mais d'avoir Wallen quand même qui est là ce soir de retour dans l'émission. Eh oui, c'est quelque chose. C'est un moment important, surtout qu'elle a bien bossé sur la bande son, c'est ce que tu nous disais hier. Carrément. Ben, en même temps, comment dire, elle, quand je faisais les trucs et tout, elle était tellement inspirée, elle me disait voilà les trucs et tout, et finalement ça a fini comme ça. Et c'est quand même une artiste à part parce qu'elle, à la fois elle compose. Elle écrit, elle fait un peu tout, donc c'est un peu un savant fou comme ça, tu vois, ma manière de travailler, c'est impressionnant. Savant fou, ouais. Mais bon, mais après, voilà, il y a une belle équipe, il y a aussi Bilal qui a fait des sons, il y a Ixon, d'autres, voilà, on est un peu, c'est familial, ouais, c'est familial. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté familial. Et alors, tiens, on a prévu un petit medley, alors très rapide, hein, on n'a pas tout mis de Wallen pour se rappeler des morceaux de Wallen. Tu restes un peu avec nous, Malik, ou pas? Ouais, je reste un peu avec vous. Et bah, reste un peu avec nous, tiens, on écoute justement toute cette carrière discographique de Wallen résumée en quelques minutes, on n'a pas tout mis. Hein. Chance me fait défaut. Regarde comme ça dé. J'ai dit, on n'a pas tout mis. Super, hein. Ouais. Voilà, ouais. Un petit aperçu pour tous ceux. Voilà, merci en tout cas. Ça a rappelé des bons souvenirs, je vois les messages arriver, allez-y. Malik, t'es là, t'es toujours avec nous? Je suis toujours là. Toi aussi, quand t'écoutes ça, tu te dis quoi? Il faut qu'elle chante plus souvent, il faut que... Ben oui, mais elle, c'est vraiment une artiste qui se fait rare. Mais en même temps, moi, ce que j'aime chez Wallen, c'est cette capacité à dire que la musique, c'est important, mais que la vie, c'est tout aussi, voire plus important. Mmh. C'est ça aussi. C'est sûr. Et être entier dans... Voilà, c'est quelqu'un de talent. Moi, je suis son premier fan. C'est-à-dire sa manière d'écrire, sa manière de chanter. Gentil, merci, et de pouvoir composer comme ça, non, c'est merveilleux. Puis voilà, et puis il y a eu des belles personnes, des compositeurs, des différents gens qui ont... Et là, je voulais en profiter pour rendre hommage à Sully Biwax aussi, qui a participé à l'émergence et à ce que Wallen devienne ce qu'elle devienne en tant qu'artiste. C'était merveilleux, voilà. Donc, c'est vrai. Donc ouais, non, c'est une belle aventure de vie. Et voilà, mais encore une fois, c'est une aventure de vie. L'essentiel, c'est la vie. Et nous, notre famille, moi, elle, les enfants et tout ça, c'est important. Voilà. Et puis le film et donc la bande son qui arrive lundi pour la bande son et mercredi prochain pour le film Qu'Allah bénisse la France. Ouais. Exactement. Tu veux aller pour présenter la voix première? On se reparle avant la fin ou pas, Malik? Ben là, je vais devoir y aller. Là, tu sais qu'on a besoin, on va avoir besoin de moi, donc je vais te laisser avec madame. Et va continuer. Tu as raison. Voilà. À plus tard, Malik. Merci. Donc, hein. Voilà. Merci. Ben, grand plaisir. Bon, porte-toi bien. Et ben, on se voit demain. Un bonjour à Lille. Ouais, ben, je ne manquerai pas. Ouais. Et une grosse dédicace à tous les Lillois, Lilloises qui vont, j'espère, apprécier le film. Tiens, dites-nous hein, d'ailleurs si vous allez à l'avant-première avec un petit message. Merci, voilà. Malik. On se retrouve dans la semaine et demain, d'ailleurs, entre 20 et 21 dans l'émission. Oh, super. Allez. Bye. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Salut. C'est bon, il a raccroché. Ouais. On peut y aller. Wallen, il y a des trucs à balancer, c'est le moment ou jamais. Non, il n'y a rien à balancer. Non. Bon, tout va bien? Ouais, tout va bien. T'es heureuse? Tout va bien, super. Tu avais les messages qui n'arrêtent pas pour toi. Très contente de venir défendre cette BO qui me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Comme je disais, je ne savais pas du tout quand j'allais ressortir un album. Et c'était vraiment pour moi l'occasion de revenir et puis de revenir pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début, qui c'est vrai s'impatientaient un petit peu et voilà, je savais pas trop comment répondre à cette attente et c'est vrai que ça a été Après t'es pas non plus tout le temps sur les réseaux sociaux Wallen, j'ai même pas l'impression que tu y es souvent d'ailleurs. Bah non mais pas du tout, je n'ose même pas montrer mon portable parce que la seule option c'est lampe torche, tu vois, donc j'ai pas l'impression que je suis à l'ancienne moi, ouais. Je suis comme dit Malik, je suis ancrée dans la vie, je préfère rencontrer les gens en vrai, par hasard. Mais ce qui fait que d'ailleurs, quand les gens te croisent dans la rue, ils doivent dire, mais quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu nous fais un album? C'est sûr. Ça doit être que ça, non, en fait, quand tu croises des gens. C'est sûr, c'est sûr. Et avant qu'il y ait le projet de cette BO-là, j'avais un petit pincement au cœur parce que, franchement, je savais pas que j'allais refaire, je savais pas quand j'allais refaire un album, sincèrement. Et ben, voilà. Ça y est, c'est fait. Ben voilà. C'est pratiquement c'est fait. Un album. Exactement. Et t'as fait, voilà, on le disait évidemment, t'as écrit, très composé, inspiré, ouais, très inspiré par le film de Malik. Et c'est vrai que ça m'a replongé dans mes débuts aussi parce que ça parle d'un petit gars qui essaye de construire une carrière et moi je me suis totalement identifié à ça. Ouais, bien sûr, mais au-delà du fait que voilà que Malik c'est mon mari et que ça raconte aussi un petit peu notre histoire, notre rencontre, j'ai aussi le recul de moi en tant qu'artiste. Et c'est vrai que quand je vois cet artiste qui vient et qui attend son passage à Planète Rap, c'est vraiment touchant et ça m'a replongé. Ça m'a vraiment replongé dans le contexte d'A Force de Vivre. Et c'est pour ça que dans cette BO là, il y a un côté tu vois, brut qu'il y avait vraiment dans les débuts. J'avais pas envie de faire quelque chose de très très édulcoré, très avec plein de voix qui partent partout. J'avais vraiment envie de retrouver tu sais la force des premières maquettes. Quand on démarche, voilà, les premières maquettes qu'on garde dans son sac à dos, qu'on fait écouter aux copines. Et voilà, j'avais vraiment envie de ça, ouais. Et du coup, très inspiré par le film, ouais. Et les thématiques. On va continuer à en parler d'ailleurs de la thématique du film. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette aussi de l'album, Wallen, après la pub? Bah écoute. On a déjà mis l'amour fou. Bien ou bien, pourquoi pas? Eh bah très bien. Ne bougez pas. Ça arrive, bien ou bien, c'est extrait de la bande-son juste après ça. Bon, Comme toi, Abdelmalik a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Et ce soir, c'est Wallen qui est là avec nous. Abdelmalik, il est du côté de Lille pour l'avant-première du film Kiala, bénisse la France. Merci pour tous les messages. Tu vois les messages en disant la reine est de retour, t'es radieuse Wallen. Continue à envoyer des messages. Ah oui, puisque c'est vrai que maintenant on est filmé. Parce que toi, comme t'es pas venu depuis un petit moment. Ah bah oui, tu vois. Tu sais qu'on peut nous regarder avec les applications, tu connais c'est les applications. En live in direct. Live in direct. Vous téléchargez l'application Skyrock FM, on peut mater les images ou alors sur le Skyrock FM aussi, allez-y, allez faire un tour. Et profitez-en aussi pour voter les votes Planet Rap 2014, c'est ouvert depuis hier. Ça commence à bien cartonner pour les votes sur le Skyrock FM, donc continuez à aller voter pour l'artiste masculin d'année, féminine, etc. etc. Réponse des résultats sur ce sera la semaine du 29 décembre. Wallen est là. Avec cet album que tu as entièrement fait de tes petites mains. La BO, pas entièrement. Non, mais t'as pas entièrement. T'as beaucoup bossé quand même dessus. Ouais, j'ai pas mal bossé, j'ai composé pas mal de titres, mais il y a aussi un jeune producteur qui s'appelle Hitson qui a fait 3 morceaux et bien sûr Bilal. Bilal, forcément. Le fameux Bilal. Eh oui, le fameux Bilal. Qui est aussi de retour. Qui a fait un morceau. Ouais. Kiala bénisse la France, il y a le film donc mercredi prochain. La bande son qui sort lundi. Lundi, exactement. Toi, tu travaillais comment? Ouais, t'avais des bouts d'images à chaque fois. Ils t'envoyaient des. À chaque fois qu'il y avait un jour de tournage, t'arrivais à regarder des. Ce qu'on appelle des rushs. Si tu veux, il y a aussi ce que je te disais tout à l'heure, l'étape du scénario, c'est-à-dire l'écriture, toute l'étape d'écriture qui finalement est très longue aussi. Il y a eu toute cette étape-là où j'ai pu lire, où j'ai pu voir et m'inspirer. Et c'est vrai que cette BO-là, c'est ma vision du film, si tu veux. J'ai pu développer des thématiques qui ne sont pas forcément développées à proprement dit. En tout cas, pas de la même manière que moi. Et donc voilà, par exemple, un titre comme Rachid qui est, qui est un personnage du film, qui est un toxico. J'ai fait une chanson qui s'appelle Rachid où voilà je me mets dans la peau de sa petite sœur tu pars d'un personnage pour développer voilà en tout cas en l'occurrence sur ce morceau c'est tu pars d'un personnage et tu développes une histoire parallèle un petit peu exactement à ma manière à un peu à la manière de quelqu'un qui écrirait des nouvelles parce que moi c'est vrai que voilà les gens qui me connaissent bien savent que j'attache beaucoup d'importance à l'écriture et à l'originalité dans le sens où voilà j'ai besoin de je me dis pas je vais écrire une chanson triste voilà allons-y écrivons une chanson triste j'ai besoin qu'il y ait de la complexité un peu à l'image de la vie finalement et donc voilà on va écouter le morceau bien ou bien juste un petit mot quand même toi t'es dans le film tu es représenté par Sabrina Ouazani oui alors ça fait Sabrina. Bizarre ou pas quand toi t'as vu le film fini écoute déjà je suis ravie que ce soit elle parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est une nana du 9-3 exactement comme toi 9-3, elle vient de la Courneuve je crois ouais elle vient des 4000 de la Courneuve et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voilà je suis très émue quand je parle d'elle parce que c'est comme une petite sœur et puis voilà c'est quelqu'un qui construit une carrière en tant qu'artiste actrice pardon et artiste aussi parce que c'est pareil finalement et voilà elle a fait de beaux films voilà, je l'aime beaucoup. Elle a commencé très jeune et on s'est rencontrés il y a un petit bout de temps. Et elle est venue parler justement avec toi sur qu'elle pouvait être très caractère parce qu'elle t'interprète. Alors Malik nous disait hier, c'est évidemment un peu romancé parce que il y a pas exactement. Toute la partie Bobigny évidemment. Ah bah non, parce que c'était complexe. C'était complexe. On va dire de que faire. Dans le symbole, il y a Malik et Nawel et puis on a gardé le prénom Nawel. Mais si tu veux, la vie n'a plus rien à voir. Moi, je suis issue d'une famille de 10 enfants. Le Nawel du film n'a plus qu'un seul frère, tu vois, donc. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Mais il y a forcément des traits de caractère, il y a des trucs. Mais le symbole y est, si tu veux. Ce qui est important finalement, c'est la rencontre et puis l'amour finalement. Et voilà que dans le film on est pris quelqu'un qui soit de Strasbourg, c'est pas non plus voilà. Drame. Ah bah non. Non, c'est sûr. Bon, allez voir le film, en tout cas, il sort la semaine prochaine. C'est Kiala bénisse la France. La bande-son, c'est lundi. On écoute un extrait d'ailleurs, le bien ou bien ? Ouais, bien ou bien. Bien ou bien ? Allez, exactement. C'est parti. Wallen sur Skyrock avec nous. On a du style depuis. depuis qu'on est tout petit. Ici le diable s'habille en Sergio Tacchini. On le voyait dealer de la mort devant le bloc. Voir ta mère, je sais qu'elle encaisse. Entre le taf et les gosses à élever seul, tu te sens démuni. Tu voudrais l'emmener ailleurs, loin des sous. Extrait de la bande-son du film Qu'Allah bénisse la France, musique inspirée avec à l'instant Wallen et le morceau Bien ou Bien. Exactement. J'ai vu les messages, regarde, frisson ouais. Wallen. Wallen d'A Force de Vivre de retour. Merci. Il tue ce son du Wallen à l'état pur, on aime. Wallen, merci d'être revenu, tu manques au R&B français. Oh, bah ça me touche beaucoup. Franchement, ça me touche beaucoup. Vraiment. En même temps, ça dit, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Moi, quand j'ai lu l'album, j'ai ouvert évidemment. Tu as dédicacé un petit peu tout le R&B français dedans. Exactement, ouais. T'essayes d'oublier personne. C'était important pour moi. Ouais. C'est quelque chose qui est important. Bah ouais, c'est très important. Je sais que c'est une période pas évidente. Voilà, pas évidente pour les artistes, pour les chanteuses et donc voilà, j'avais vraiment envie de envie de mettre beaucoup de cœur dans cet album-là et de soutenir tout le monde. Voilà. Et puis c'est ça le hip-hop. Le hip-hop, c'est le bon esprit aussi. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Des valeurs positives. Des valeurs positives. Et là, ça c'est un film hip-hop hein, qu'a la bénisse la France. Hein. Exactement. Quand tu c'est, le vois, c'est... Ouais. On est en plein dedans. Exactement, on est en plein dedans. Ouais. On va mettre un autre morceau dans quelques minutes, Walen, si tu veux bien. Oui. Juste avant, on parlait de hip-hop et là, je suis avec Noriega de Roubaix par téléphone. Salut Noriega. Bonsoir à vous. Ça va bien ? Bonsoir à vous. Bonsoir Noriega. Bonsoir. Tu connais Walen ? Ça va, bah ouais, mon premier Planet Rap, c'était avec Walen. Mon premier. Ah, mon premier. C'est vrai ? C'est vrai ? Le premier Planet Rap que j'ai fait, c'était avec toi. Ah, bah écoute. C'était quoi pour le Miséricorde ? C'était Miséricorde ? Comment ? C'était au moment de la sortie de l'album Miséricorde ? Ouais, c'était celui-là. Ouais. Ok, 2008. Ouais, c'était celui-là. Et écoute, ouais. Noriega est là. Ouais, c'est vrai. T'aurais pu aller à Lille, il y a l'avant-première soir du film Qu'Allah bénisse la France. Ouais, bah, j'en avais entendu parler, mais après, ben, j'ai pas eu le temps de passer. C'est pas grave, t'iras mercredi. Voilà, j'irai mercredi. Ah bah oui. Et sinon, ben, y aura un concert aussi. Je fais un concert à Paris là, le 6 décembre. Avec les End of the Week, on va faire un petit concours. C'est là, c'est carrément. Voilà. Attends, c'est là, c'est bientôt le 6. C'est ce ouais, c'est bientôt le 6. C'est au centre d'animation Juno à Paris. Ouais. Et bah, en fait, c'est les End of the Week qui organisent ça et je vais essayer d'être présent. Et donc, tu y seras, Noriega de Roubaix. Ouais, voilà, j'y serai. Et ben, en attendant, on t'écoute rapper. Je rappelle que cette semaine, vous repartez aussi avec le rasoir Click and Style de chez Philips. On est en train de faire une belle OP, justement. Vous allez pouvoir défier Youssoufa, Cut Killer. Allez faire un tour sur skyrock.com/shaveandplay. Et toi, le rasoir Click and Style de Philips, on te l'envoie du côté de Roubaix, mais on t'écoute quand même rapper avant, évidemment. Noriega, t'as une 30 pour tout déchirer, c'est parti. Il n'y a pas de problème. Ok. 1. Noriega. Ok. Écoute. Ça fait. Je fais que du mal autour de moi. Et mec, j'en suis peu fier. Et si la France m'insulte, dites-moi comment je pourrais me taire. J'avoue que c'est sectaire. Et oui, ça squatte le secteur. Tu veux du spectacle? Ben ramène-moi l'inspecteur. Je sais très bien que tout ce qu'ils aiment, c'est que leurs meufs les brusquent. Les MC n'aiment que les chiennes qui se grattent les puces. Je te fais planer, sponsorise et fly et mirate. Pas besoin de me porter l'œil, j'ai déjà la vue un peu pirate. Dans ce monde y'a trop d'abus, après tout ça c'est le peuple qui rack. Mon son c'est l'attentat qui leur fera croire que tout ça vient d'Irak. J'ai le cœur niqué à cause de tout un tas de pétasses. J'ai cueilli la fleur du mal, elle avait pas de pétales. Ça veut ken comme des grenouilles mais c'est encore tétard. Pour me détrôner ce sont le veto et sont encore trop tard. Si c'est l'enfer, passe le ciel et ma Lucifer. Je débarque dans le game, bah ouais mon frère faut me laisser faire. Les affaires c'est les affaires. Oui, rapper c'est nécessaire, mais ça rapporte des clés. Oui, faut le dire au petit frère. La vie c'est triste, je voudrais lui mettre un peu de couleur. Mais j'ai la flemme, dès que je vois que la flamme veut que je crame ce joint de pollen. J'ai plein de problèmes, et j'en fais pas des tonnes. Dans ton équipe y'a des bâtards, ben n'en fais pas tes potes. La vie de château, mec tu sais, elle se fait rare. À l'heure j'écris, je te vois coucher, il se fait tard. Je vogue l'amour, et tous ces tralala. Là, faut que j'esquive les vautours, et toute cette halala. Faire le ouf, à quoi bon si t'as pas fait l'action. Pour le succès, tous ces cons kiffent la fella. Génération combattant tout comme les Félaga. Pour le Zeyo, ça charbonne, crois pas que ça fait la garce. Ouais. Et ben voilà Noriega pile poil au moment du gong. Parfait, une trente. Merci à toi Noriega. Merci Fred, ça me fait plaisir de te revoir au téléphone. Et ça fait très très longtemps que je suis pas passé. Et ça me fait vraiment en plus plaisir. Avec Walen. Surtout avec Walen. Et franchement, faut aller soutenir. Parce que c'est comme tu disais, elle manquait au R&B français. Ah bah merci. Et franchement, merci, c'est vrai. En plus, il y a encore pas longtemps, j'ai écouté ses premiers sons avec Papa et tout. Enfin, plein de trucs que j'ai découvert. Les premiers sons que j'ai découvert de Walen. Et franchement, c'est un très très bon délire. Eh ben, terrible, Noriega. Merci. Bon, ben, profitons alors. On va quand même pas se dire dans 8 ans, parce que sinon, on va encore attendre 8 ans avant qu'elle revienne, Walen. Donc, peut-être avant, Noriega. Ouais, vas-y, puis rappelle des adresses où on peut te suivre. Je passe une grosse dédicace pour Skyrock, pour Fred, pour Walen, pour tout le monde. Je passe une grosse dédicace pour Gradure aussi, un gars de Roubaix aussi, qui est passé sur Skyrock et qui salue Gradure. Nique tout. Et voilà, on va dire ça, que Gradure, il nique tout. Et il a fait monter le Nord un peu à la carte. Et je dédicace aussi pour Mandy, je dédicace pour Emeline, je dédicace pour Fanny, pour Bill, je dédicace pour Stéphane, je dédicace pour toute la clique qui me soutienne. Et je dédicace pour Netto, je dédicace pour tous les vrais frères écorosiques. Voilà. Merci à toi, Noriega. Passe une Merci. Bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Non, oui, parce que si Noriega, il revient dans 8 ans. Tu penses, toi, un peu, ou ouais. faire une tournée, partir un peu? Écoute, ou c'est, là, c'est trop tôt, là. Non, tu sais, je vis un peu au jour le jour, et puis on verra bien, voilà, on verra bien ce que va donner la BO, l'écho qu'il va y avoir, et puis les retours. Tu sais, on vit quand même dans un monde où, pour continuer, il faut quand même que ça marche un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Surtout aujourd'hui, partir en tournée, si t'as pas vendu 100 disques, voilà. Non, mais c'est, attends, regarde, franchement. On le voit, alors, t'es pas super vieille non plus, mais on le voit, il y a quand même un côté nostalgique quand les gens t'entendent. Tout à l'heure, on passait le medley, de se rappeler cette chanson. C'est gentil, ça, t'es pas super vieille non plus. Ça, c'est gentil. C'est pour me rassurer, moi, rassure-toi. Je vois ça. Voilà. Non, mais quand je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté nostalgie, il y a des morceaux. Ouais, ouais, les gens disaient, ils nous parlaient de Donna, ils nous parlaient de l'Olivier, ils nous parlaient de tous ces morceaux. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, ça me plairait bien, mais bon, voilà, c'est vrai que bon, trois enfants, c'est trois enfants, et je suis mère poule, j'avoue. Franchement, j'ai du mal à quitter le nid. J'ai du mal, voilà. À quitter le nid. Exactement. Bon, bah là, déjà, on va profiter. Non, mais de j'espère, toi. J'espère qu'il y aura des concerts quand même pour cette BO. Sincèrement, j'aimerais bien. Et bon, on va profiter mais bon, de toi en écoutant. Faut que les gens soient là, faut que les gens soutiennent, faut que les gens comprennent que. Voilà, les artistes ont besoin du soutien du public aussi, hein. Faut pas. Donc voilà. Précommande dès maintenant, si vous voulez l'avoir tout de suite, on peut ouais. y aller. Ouais, ça, tu connais iTunes. Précommande. Ah, ouais, bah, ouais. Regarde. Ah bah quand même. Oh. Oh, attends. Ah bah la vieille, elle se tient au courant, mince alors. Elle a un portable naze, mais c'est bon, elle peut commander quand même, elle peut précommander Exactement, l'album. Bah oui. Donc allez-y pour précommander Kala bénisse la France, l'album. On va écouter un morceau. Tout à l'heure, t'en parlais, ce morceau Rachid. Alors, Rachid c'est un personnage du film. Alors, Rachid, c'est un personnage du film. Et je me suis mise dans la peau de sa petite sœur. Et bon, on écoute le morceau maintenant sur Skyrock. Ouais. Et c'est vrai qu'il prendra aussi une autre ampleur, ce morceau, quand vous verrez le film. Ah ouais, qui sort ouais, le 10 décembre, parce que c'est un personnage. Mercredi prochain, ouais. Qui est touchant aussi, Rachid, moi, avec ses c'est défauts. C'est un personnage avec... touchant, ouais. Mais de toute façon, tous les personnages ouais. sont touchants dans le film. Ils sont tellement réels. Et puis, c'est l'histoire de Malik. C'est des vrais gens qui l'ont entouré. Et puis voilà, non, il faut aller le voir, il faut aller voir le film. Allez, Rachid, à écouter maintenant sur Skyrock avec Wallen, notre invité. Je connais un gars qui vend de la chance à la sauvette et des cartes de cigarettes. On verra ce qu'il peut faire pour toi, mais en attendant, frangin, faut vraiment que tu arrêtes. Et si les cœurs viennent te chercher, je serai là pour les accueillir. Y en aura au moins qui kiffent mon premier album. Je vais tout leur expliquer que quand t'étais petit, tu voulais devenir astronome. Moitié afghane, moitié colombienne. Elle t'en fait baver au sens propre comme au figuré. Tu l'as dans la peau, tu l'as dans les veines. Si la mort vient te chercher, tu seras seule, seule. Tu seras seule, seule. J'aurai pour te pleurer ma photo préférée, celle où je rigole et où tu portes un pot de pêche. Je sais pas pourquoi des fois la vie nous fait pas de cadeau. Cadeau. Quoi qu'il en soit, je serai là pour toi quand tu seras cadeau. Garo, c'est l'addiction. Garo. parler en grammes avant de poser en kilos. En kilos, c'est par les tragédies, le drama. Tic, des frères qui trépassent aux onzons. Nés, doux, mal et bien se confondent. S'affrontent, on se donne en offrande. Comme s'il n'y avait pas un autre monde. Hey, demain, c'est pas si loin. Reste droit, je t'y amènerai. Tour de Babel, HLM, peine minimum. Tombé pour Anna Montana, tu dis quoi? Que tu voulais son nom de mif à des Tony. Dans les tours de France, t'en as des tonnes. Poussière d'ange et phéromone. Faire amende honorable à la mémoire des frères qui étaient des braves. Je sais pas pourquoi des fois la vie nous fait pas de cadeau. Cadeau. Quoi qu'il en soit, je serai là pour toi quand tu seras KO. Garo, garo, garo, garo, garo, héros. C'est l'addiction, c'est l'addiction. Le morceau à l'instant, Rachid, c'est extrait de la bande-son du film Kala bénisse la France avec Wallen ce soir dans l'émission entre 20 et 21 pendant Cap d'Almalik et sur scène du côté Lille. De Lille. Ouais. Pour l'avant-première du film. Et ouais, pour l'avant-première. Le film qu'il faut aller voir. La semaine prochaine. Qu'il faut aller voir mercredi, absolument, absolument. Voilà. Bon, j'avais posé la même question hier à Malik parce que c'est vrai que là c'est un film qui raconte un peu, même si c'est romancé, votre histoire aussi à tous les deux. Ouais. Hein. Mm-hmm. Pas mal de clins d'œil là-dessus. Toi, donc c'est aussi le bon moment de faire un petit point sur le parcours. Toi, exactement, tu juges comment ce parcours, ta vie, ce qui s'est passé jusqu'au moment où ce film arrive et la bande son. Bah écoute, déjà, quoi dire, un grand merci à Skyrock. Parce que voilà, c'est aussi ici que sont nés beaucoup d'artistes dits urbains comme moi. Et donc voilà, c'est vrai que à partir du moment où on passe sur Skyrock, où on a la chance d'avoir un morceau qui tourne, c'est une reconnaissance en tant qu'auteur aussi. Bon, moi, j'écris mes chansons, donc c'est ça. Et du coup, ça te donne confiance en toi. Ça te fait rencontrer un public aussi. Et voilà, l'histoire commence comme ça. On a envie de se surpasser, on a envie de progresser. Et voilà, c'est un petit peu le bilan de l'histoire. Il faudrait vraiment que je retrouve la première interview d'Olivier. Ah non, mais surtout je pas. Je jure non, que je l'ai chez non, moi merci. À la maison ou dans quelque part. Dans ah une... oui, non, mais non. Tu reviens dans la semaine? Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse là, du coup. Donc si tu reviens. Non, je reviendrai. Ah, il faut vraiment que je retrouve ça. Oh là là là là, ouais. Bon, bah en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir là pendant ces quelques minutes. On a le temps de finir avec un dernier morceau avant de se quitter. Écoute, ouais, pourquoi pas. Allez, je te laisse pourquoi choisir pas. Un extrait de la bande-son qui sort lundi, la bande-son, et qui est en précommande dès maintenant. Écoute, on va écouter Selfie. Selfie ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est toi qui as principalement réalisé la bande-son. Ouais. Qui a beaucoup bossé autour. Ouais. Composé. Voilà, j'ai pas mal composé. C'est une nouvelle passion, en fait, chez moi. La passion du son. D'ailleurs, j'aimerais bien aller plus loin à ce niveau-là. Je sais pas, peut-être mixer, apprendre, tout ça. Ah ouais, ouais. Franchement, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. C'est un truc. De faire ses sons soi-même. Ah de ouais, machin. Ouais. Ouais, et puis même, tu vois, transformer un son, c'est. Franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais ça, c'est un truc que tu fais au quotidien ou il y a des moments. Je le fais au quotidien, ouais. Mmh. Je le fais au quotidien et voilà, sur des machines, Pro Tools. Bah oui, c'est tu ça. Vois, geek, MPC, tu vois, t'es une geek finalement. Ouais, regarde, ouais. Tu fais même parler de selfie, donc. Ouais. Ça y est, hein. Ouais. Une nouvelle jeunesse. C'est reparti maintenant, un extrait de la bande-son du film qui sort lundi. Et le film Kala bénisse la France, ce sera mercredi prochain sur tous les écrans. Je t'aime, je persiste et je signe des temps. Noir ressemble basket blanche, ton prince charmant, cœur en lambeau, femme impériale. Digne du mariage, conjugue tous les temps, tu seras donc toujours mon héritage. J'enfile ton sweat comme une armure. La vie est une guerre, ton parfum mon refuge. Le bonheur s'est caché derrière des barbelés, mais j'irai te chercher qui t'a mis blessé. Fais l'un pour l'autre. Oh, chemin ensemble. Selfie à l'instant, c'est extrait de la bande son avec Wallen, notre invité ce soir. Wallen qui va revenir cette semaine entre 20 et 21. Rassurez-vous, elle est de retour. Ouais, ouais, je reviendrai. La sortie Kala bénisse la France. Alors la bande son, c'est lundi, mercredi, c'est le film qui arrive. Mercredi, c'est le film, film magnifique. J'ai vu un dernier message qui est arrivé parce que évidemment, on sait tous, enfin pour ceux qui te suivent depuis longtemps, que tu es et tu as été une grande fan d'Alia. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, j'allais en parler d'ailleurs, parce qu'on parlait de jeunesse, de vieille, pas vieille, vieux, pas vieux. Franchement, le premier album d'Alia s'appelait Là, je n'ai rien, mais ce n'est qu'un nombre en fait, voilà. Et voilà, moi je suis d'accord avec ça. L'âge c'est juste un nombre. La jeunesse c'est un état d'esprit. Mais ça je te confirme, j'ai 16 piges maintenant. Et t'inquiète, je viendrai faire mon planète rap pour mes 50 ans. Waouh. Eh oui, je l'annonce. Pas mal, avec mes enfants qui vont prendre la relève. Parfait, merci. ouais, donc la question d'Alia c'était, est-ce que tu as vu le biopic? Il paraît qu'il y a un biopic d'Alia qui est sorti. Moi j'ai pas vu non. Ouais, j'en avais entendu, parler mais je sais pas. Ils ont eu du mal à le monter d'ailleurs. Je crois qu'il y avait eu des problèmes d'autorisation. Mais j'ai pas vu. Non, pas encore, non. Voilà, pour je crois que c'est la team fan d'Alia qui a été envoyé ce message. D'accord, à surveiller. Surveiller, on surveillera tous. Ouais. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette et on trouve D-Fool dans un instant. Skyrock t'offre la tournée 2015 de Nawel Madani. Nawel de Mantes. Bah décidément. Bah écoute. Waouh, on est entouré. Wallen, Nawel, Nawel Madani dans la roulette. Là, je suis cerné. Ça va bien, Nawel? Oui, ça va avec vous. Bah oui, je te présente Wallen. Salut. Ça comment va vas-tu? En fait, j'entends mal. Bon, alors, mince. Tu sais ce qu'on va faire? C'est bon. Tu sais, sinon, tu sais ce qu'on va faire? On lance la roulette tout de suite. Tu me fais un stop et voilà. Hein. Ok. Comme ça, on est tranquille, Nawel. Hein. Ouais. Ah. Et la roulette qui va s'arrêter sur la case, c'est... Et ben voilà, Nawel Madani, je sais pas si tu connais, pareil Nawel Madani. Oui, je connais. À voir sur scène, t'as deux places pour Paris, c'est l'Olympia. Merci. L'Olympia qui, je crois, est pratiquement blindé, ou ça va pas tarder hein, pour Nawel Madani. En tout cas, gros carton pour Nawel, et pour toi aussi, c'est deux places. Oh, super. Merci beaucoup, Skyrock, c'est super. Et Wallen, bah, je te fais de gros bisous, je t'écoutais encore moi aussi. Quand t'avais qui replantera l'olivier. Merci beaucoup en tout cas, Nawel, on te fait un bisou. Bah, merci à vous, à bientôt, Nawel. Gros bisous, bye bye. Ciao. Merci Wallen d'être passé ce soir. Bah écoute, c'était un plaisir. Toujours un plaisir de te retrouver. Toujours un plaisir de venir ici. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Bah peut-être dans la semaine d'ailleurs. Je reviendrai. Bah sûrement demain, il y aura Matteo Falcon, il y aura Malik. Falcon. Donc je viendrai sûrement avec eux. Kala bénisse la France, ça sort la semaine prochaine aussi bien en CD, c'est lundi, que sur grand écran, c'est mercredi. Ouais. Bisous mercredi, Wallen, merci sur grand d'être écran. Passé. Allez le voir. Allez acheter la BO. Allez le voir, on verra une scène qui s'est passée ici dans ce studio là-haut installé, Wallen. C'est vrai, ouais. Avec, alors, je sais pas si on dévoile, non, si on dévoile, non, non, non, non, surprise, on dit rien. Ouais. Merci beaucoup, Wallen. Merci à toi, Fred. Et là, c'est D-Fool maintenant. Et oui, on est là, salut Fredo. Ah, s'il te plaît, passe-moi sa main. Et salut, Wallen. Salut, D-Fool. Ah, pardon. Comment vas-tu? Fredo, dis non, mais Fred, ça va pas. Je suis tellement bouillon que. L'autre, il a envie d'insulter sa mère. Je crois qu'on va parler football. Je suis désolé, Wallen. On continue avec Wallen tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu annonces le score de nos amis. Ça va, on n'a pas perdu, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais juste comme ça. Ah, ben un partout. Voilà. Lorient-Marseille, un partout. Donc à l'extérieur. Soir, ça va, gros. C'est ce soir qu'on repasse numéro 1. Ce soir, je pense pas, peut-être demain, gros. Oui, c'est demain que ça joue. Demain. Alors, pardon. Fred. Demain. Ah, tu donnes le bâton. Ah, mais moi, je suis pas le bâton, je suis tellement chaud qu'on va. T'es voilà, chaud, gros. Bon, en même temps, vous êtes passé devant la semaine dernière déjà, et finalement, on est repassé devant aussi, tu vois. Ok. On verra, rendez-vous demain, Samy. Voilà. On verra ça demain. Faut battre Lille déjà, les gars. Et puis, il y a un autre match à suivre ce soir. Lance Monaco. Ouais, Lance Monaco. On suivra ça en direct. On vous donnera les résultats. Wallen, bah, ça nous a fait plaisir. Ouais, je suis désolé d'avoir un temps. Il était chaud, Fred. Ce côté viril. T'as vu un peu. Les grandes retrouvailles, Wallen. Kala bénisse la France. C'est demain dans Planète Rap. C'est à pas louper. On te fait un gros bisou. Et puis, à très bientôt. On te retrouve avant la fin de la semaine. T'as promis, hein. Ouais, promis. Allez. Et ben, bonne soirée, Wallen. On t'embrasse. Et puis, bonne soirée à vous, hein. C'est parti pour la Radio Libre. Tiens, petit blind test, Fredo. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça c'est mon son ça. C'est le mien aussi, je kiffe. Mark Ronson avec Bruno Mars. Mark Ronson et Bruno Mars. Ben, on va démarrer avec ça. Ouais. Ah ouais, tu, ça c'est soirée du 31 direct. Ça. Ah, ça direct. À 8 grammes. Oh putain, Fredo va danser. À 8 grammes, c'est pas ce que je dis. Ah ouais. Je veux voir ça. Au moins, même avant. Hein. On arrive dans un instant sur Skyrock. Donc Mark Ronson et Bruno Mars. Ouais. C'est pour démarrer. Et puis vous tous et vous tous en direct aussi. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler avec toute l'équipe qui est là. Ouais. Faites-nous péter tout ça. Allez, jusqu'à minuit, c'est parti. Radio Libre. Et à demain, Fredo, pour Planète Rap. Ciao. Ciao, bisous, Hélène. Ciao. Ciao. Ciao.